Les 29 et 30 novembre, le Palais des sciences et techniques à Pyongyang abritait un exposé national du secteur de l'informatique pédagogique sous les auspices du Comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. À l'exposé ont participé des cadres, des enseignants, des chercheurs, des techniciens et des membres de doctorat des diverses unités d'activité comme l'Université Kim Il-sung, le Comité de l'enseignement, l'Académie nationale des sciences et le Palais des études du peuple. Plus de 110 dissertations ont été publiées dans l'exposé réparties en sections d'informatique pédagogique, d'informatique scientifico-technique et de technique d'ordinateur. Au service de clôture, on a conféré des diplômes et des prix aux meilleurs participants.